rap français, je suis venu lui baiser sa grand-mère la pute. Avec des lyrics, le teint grave foncé, tu sors des couilles à Belzébuth. Je marque tes buts tout seul, et si les potes s'appellent des buts. En 2007, sur 2000XL, j'attrape le mic en voiture de but. J'ai pas encore buzz, mais j'ai 8 piges que je suis dans le pif. 22 que je suis dans la pousse, un Sergi pour toi, coup de blues. Je débarque en mode Val-d'Oise, pareil vous tous. Tu me testes, un coup de Bluetooth, ça part en couille comme ça qu'on teste. Cous, je veux plus voir les putes brailler. Sauf quand c'est ma pute, leur mic, je suis en mode débraillé. La plupart, c'est des barres de rire, pas des barres de billets. Je reviens des fourrailles et tous crier. Là, je viens crier alors que je devrais aller prier. Évite de plier les pauvres, fais-toi les riches, tu veux briller. J'écris des rimes par milliers. Dans langage familier, vu que le collège s'est lâché pour chez les keufs liés. Et dans la rue, j'ai appris que poteau ne veut pas dire allié. Pieds et poings liés, mais on se démerde, on avance comme des lièvres. La France, on rêve tous de lui cracher sur les lèvres. À dater d'aujourd'hui, MC, tu dois faire attention. Je prends l'attention, j'ai eu le diplôme du rap avec mention. Du rap avec mention. Axe l'attaque, 95. Ok. J'suis diplômé de la rue. Bitume en mode cru, tous paumés sans l'écriture. Mon son un grand cru, dans la ouange pour mes poumons, pour mon croix un gros cul. J'ai pesé le rap avec mon micro, négro t'es cocu. J'suis diplômé de la rue. Bitume en mode cru, tous paumés sans l'écriture. Mon son un grand cru, dans la ouange pour mes poumons, pour mon croix un gros cul. J'ai pesé le rap avec mon micro, négro t'es cocu. Ici les keufs tournent, dès que les sacs écoutent ma sick. Défonce comme l'extasie, on t'a déjà dit. Pareil c'est magique, j'suis bien dans mon LRG. Dans mes DRG, tu fais gaulerie à faire le RG. Comme l'Aurel et Arty, hébergé par la rue, j'ai le rap brut garanti comme chez Darty. Parti, les salopes veulent tester, on va les tarder par 10. Si t'es naze, faut que tu files vite. Je t'invite à faire un feat avec celui qui a volé le rap sans faire les fils, fils. Tu rap à l'ancienne comme les bitches. Moi je vais faire mon fric et me barrer dans les fiches. Tu piches, te laisse les tiges, mise. Garde les cuisses que je m'immise. Dans le vice, arrête tes miniques, fils. Je te nique avec la technique. Dans le bise, les jaloux, j'ai au normal. C'est de l'ego trip, je kick pareil sur un thème sensé. Je maîtrise mon pic autant que la clope à la pompe insensée. Pendant que la délinquance danse sans un beat cadencé. Faites penser, sort des lyrics meurtrier. Les sourcils français, j'ai joué le son en boîte. Les mecs la télé portier pendant que vous dansiez. Pendant que vous dansiez. Diplômé de la rue, bitume en mode cru, tous paumés sans l'écriture. Mon son un grand cru, dans la ouange pour mes poumons, pour mon croix un gros cul. J'ai pesé le rap avec mon micro, négro des gros cul. J'suis diplômé de la rue, bitume en mode cru, tous paumés sans l'écriture. Mon son un grand cru, dans la ouange pour mes poumons, pour mon croix un gros cul. J'ai pesé le rap avec mon micro, négro des gros cul.